Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous naturopathie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interroger Mélissa Parrain, naturopathe et professeure de yoga, qui va nous expliquer comment la naturothérapie peut favoriser le processus de guérison en cas de burn-out. Bonjour Mélissa. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et de répondre donc à mes questions. Donc en effet, dans le cadre des burn-out, ce n'est pas que dans la tête. Il y a un épuisement, on le dit, mais ce n'est pas juste « il n'a pas envie, elle n'a pas envie », ce n'est pas dans la tête. Non, l'épuisement est un dérèglement progressive des ressources physiologiques d'adaptation, mais aussi de récupération. Bref, c'est la panne moteur, on peut appeler ça tout à fait. Ça, c'est ça. Alors Mélissa, pour mieux comprendre, peux-tu brièvement nous expliquer pourquoi et comment intervient un burn-out ? Le burn-out, comme tu l'as très bien expliqué, ce n'est ni une question de volonté, ni une question de mauvaise organisation. C'est vraiment un épuisement physiologique, à la fois physique, mental et émotionnel, qui survient après un investissement prolongé, en général au moins 6 mois, et qui est toujours associé à une charge mentale importante, que ce soit professionnelle ou personnelle. Et c'est important de le rappeler, car on associe beaucoup le burn-out à une situation professionnelle, et c'est toujours un peu lié, mais ça peut être également lié aussi au fait qu'on a une surcharge mentale au niveau personnel, et du coup c'est aussi pour ça que ça touche beaucoup de femmes. D'accord. Le burn-out, on en parle beaucoup, même, enfin, de plus en plus en tous les cas. Mmh. On commence à en connaître les symptômes, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le plan physiologique dans le corps en cas de burn-out ? C'est vraiment une usure métabolique, et donc c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre système nerveux, il a 2 modes de vitesse, qu'il a déjà toujours eu, qui est soit un mode de vitesse d'hypervigilance, qu'on appelle dans un jargon un peu plus scientifique l'orthosympathique ou le sympathique, et un mode qui est beaucoup plus de la lenteur, du repos, de la régénération, qui est le parasympathique. Dans un monde idéal, on ne serait jamais censé avoir ces 2 modes de vitesse en même temps et on est censé alterner. On devrait tout le temps autant se reposer que travailler, et donc ça devrait en permanence être alterné. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un mode de vie tellement effréné qu'on est tout le temps dans cette hypervigilance, on est tout le temps dans ce stress chronique qui s'installe et qui fait qu'on ne laisse jamais le temps au corps de se régénérer, de se recharger et donc de se reposer. Et malheureusement, ces 2 modes de vitesse, si elles ne fonctionnent pas en même temps, c'est bien pour une raison, c'est pour qu'elles puissent à chaque fois se recharger, puisqu'elles n'ont pas les mêmes hormones qu'elles mettent en place lors de leur fonctionnement. Dans le cas de la sympathique, la vigilance, on est plutôt sur du cortisol, l'adrénaline, de la dopamine, des choses qui nous mettent en mouvement. Et puis, dans le cas de la parasympathique, du repos, on est sur de la sérotonine, de la mélatonine, des choses qui vont venir vraiment nous réparer. Le problème, c'est que quand on puise, on finit tout le temps par sécréter du cortisol, de la dopamine, de la noradrénaline. On puise dans nos réserves de magnésium, et qui fait qu'à un moment donné, simplement, juste le corps, il n'a pas une ressource qui est limitée. C'est comme le téléphone, à un moment donné, le téléphone, il faut le recharger. Et bien le corps, c'est pareil. À force de tirer sur la corde, à force de nous presser comme des citrons, à un moment donné, il n'y a juste plus rien dans le citron, il n'y a juste plus d'énergie. Et donc, un matin, on se réveille et on est incapable de se lever. Ce n'est pas une question de volonté, c'est juste qu'il n'y a plus les hormones, il n'y a plus les ressources pour pouvoir nous mettre en mouvement. Et donc, c'est ça qui est hyper important à comprendre, c'est que c'est une usure métabolique, physiologique, et c'est le corps là qui se dérègle complètement. Et c'est même important de rappeler que le système nerveux autonome, c'est un système qui est autonome, c'est-à-dire que c'est le corps en permanence qui scanne notre environnement pour pouvoir dire « ok, je me mets dans quelle vitesse ?» Et le problème, c'est qu'encore une fois, on est dans un monde où on est tout le temps dans cette vigilance, tout le temps dans cette effervescence, et en fait, on ne s'arrête jamais. Et donc, au bout d'un moment, bah, juste, il n'y a plus de batterie, quoi. Ok, donc quand on comprend ce qui se passe justement dans le corps, dans la physiologie du corps, on peut s'imaginer qu'on peut interagir dessus. Oui. Et c'est là où tu interviens. Donc, mais comment et en quoi la naturopathie peut aider, en tout cas, oui, peut être une aide intéressante dans le processus de guérison d'un burn-out ? Bah, il va forcément falloir remettre en place une hygiène de vie et recharger les batteries du corps. Et donc, encore une fois, ça passe par le corps. Ça passe par une alimentation qui va nous permettre de nous recharger, nous revitaliser, mais pas que. Ça passe aussi par énormément de repos, donc s'assurer d'avoir un sommeil de qualité. Mais le repos, c'est aussi pouvoir vraiment se déconnecter. Et donc, ça va être important de mettre en place également, comme on l'a expliqué, comme c'est une raison qui est métabolique, physiologique, de mettre en place une approche qui est somatique, une approche où on va venir vraiment s'occuper du corps, recharger le corps avec du repos, des balades en pleine nature, des massages et en première intention, s'occuper du corps. Ensuite, évidemment, il va falloir aussi aider au niveau de la sphère émotionnelle, psychique, pour essayer de comprendre, ok, qu'est-ce qui fait que je suis allée cette fois-ci trop loin, pour éviter que ça revienne. Mais il va falloir déjà se reposer, se recharger, et donc ça passe par une approche qui est encore une fois somatique, et ça passe par le corps. Et c'est important de rappeler que quand on est dans cette phase de burn-out, quand vraiment un matin on s'est réveillé, qu'on n'a pas pu se lever, c'est pas juste une nuit de sommeil qu'il va nous falloir, c'est 6 mois minimum. Et je vois trop de personnes qui sont allées, qui ont fait un burn-out, qui ont pris 2 semaines de repos et qui sont revenus après. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas parce que c'est un peu... il faut imaginer un peu que notre énergie, c'est notre argent. Donc, on a à la fois notre argent, notre espèce qu'on consomme toute la journée. Et donc, effectivement, on la consomme la journée, on se repose, la nuit, on travaille 8 heures, on dort 8 heures et on est censé récupérer notre espèce. Quand on tombe dans le burn-out, c'est pas l'espèce qu'on a utilisée, c'est notre épargne. C'est-à-dire qu'on est allé vraiment chercher au plus profond de nous et qu'on a utilisé toute notre épargne. Et donc, il ne suffit pas d'une nuit pour pouvoir récupérer son épargne. Il va falloir beaucoup, beaucoup de temps et ça peut aller jusqu'à 6 mois. Il ne faut vraiment pas culpabiliser à prendre ce temps parce qu'on va devoir aller chercher des choses qui vont nous permettre de nous recharger intensément. Donc, ça passe par une approche somatique avec de l'alimentation, de la gestion du stress pour réguler le nerf vague qui est justement ce nerf qui va venir permettre au corps de passer dans cet état de sympathique, de vigilance ou de parasympathique et de repos avec de la respiration, de la déconnexion, de la marche en pleine nature, du massage. Et évidemment, on peut utiliser des plantes mais qui vont être à adapter en fonction des cas de chacun. Merci beaucoup Mélissa. Et on le rappelle, comme toujours, en tout premier lieu, quand il y a un problème de cet ordre-là, quand on souffre d'un burn-out, il ne faut pas hésiter à aller consulter son médecin. Exactement. Pour diagnostiquer et puis entamer les démarches de soins nécessaires. La naturopathie, elle peut s'avérer une aide vraiment très précieuse, on l'a dit, pour favoriser ce processus de guérison. Et c'est pour cela, Mélissa, donc, que tu en as écrit un e-book. Tu as écrit un e-book sur le sujet, c'est bien ça? Alors, j'ai écrit un e-book plutôt qui s'appelle Ma Bible Bien-être, qui est vraiment un recueil des conseils les plus classiques pour optimiser votre hygiène de vie. Donc, il y a des conseils en termes d'alimentation, de repos, de gestion du stress, également de développement personnel. C'est vraiment le béaba et c'est les conseils que je donne le plus souvent en consultation et qui vous permettent du coup de commencer. C'est un premier pas pour pouvoir prendre soin de vous à votre rythme. Il y a vraiment un guide avec comment on peut l'utiliser pour juste optimiser votre hygiène de vie, pouvoir apprendre à prendre soin de vous, à mieux vous connaître et à recharger vos batteries de manière simple et efficace. Voilà, un e-book donc à lire même quand on n'est pas, quand on ne souffre pas de burn-out, qui fait du bien à tout le monde. Toutes les informations pour le retrouver dans le descriptif de la vidéo, ainsi également que les coordonnées de Mélissa Parrain, laquelle je précise à nouveau est professeure de yoga, également naturopathe. Il est tout à fait possible donc de te consulter en privé. Tout à fait. C'est ça. Donc toutes les informations dans le descriptif de la vidéo également. Il ne faut surtout pas hésiter. Merci beaucoup Mélissa Parrain. Merci. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. À bientôt.